et on s'envole ce matin tel deux hérons. Hein, oh. Voici les deux hérons de Martin Léon sur C'est fou 89.1. Je pensais vraiment pas réussir à faire un lien avec ça, mais ça a marché. Ouais, ça, ça a bien fonctionné. Pit, pit, pit, pit. Barnac, dans mon windshield. Maintenant, on parle avec Nicolas Ducharme. Voici les conduits de partie. Ouais, t'es pas... MySpace était plus supposé faire ça, par exemple. C'est vrai que c'était plus le cas, ça. De sport, les conduits de partie, intro. Non, pas ce bar-là, gars, ça va faire. Gars, là, tu me niaises. Toi, là, ici, là, hey, cette affaire-là. On dirait que c'est orchestré, Mathieu. J'en veux plus d'intro. On dirait un sketch. Ouais, un très mauvais sketch, là, mais. Ouais, mais je suis bon là-dedans, les mauvais sketchs et les mauvaises blagues. Une émission qui a du goût, qui goûte bon. Et qui tire vers la fin. Ah, déjà. Mmh. Colin, François, non, mais déprimant, il reste encore deux jours après aujourd'hui. Deux jours. C'est pas jours. Ben non, mais là, c'est pas super. Tu commences à dire que c'est la fin, là. C'est comme on va commencer à pleurer tout de suite, là. Non, mais on voit la fin s'approcher, là. Ouais, vraiment. Et ouais, on pleure pas. On est en phase terminale. C'est ça. On est peut-être plus heureux que triste. Émilie Gauthier, avec sa chronique, veux-tu sortir avec moi? Donc oui. Peut-être qu'elle dira oui, Mathieu. Souhaitons-le pour toi. Ben, c'est cette dernière, là. Ce serait maintenant le moment. Je serais comme tel. Et lui, c'est Mathieu Plante. Hey, les accents toniques étaient là. Là. Vous, marchand. Plante. Versus. Finisher. Non? Thursday. Thursday morning, we finish each other. Non. Donc quoi? Ben là, on va pas se finir le... voyons, non. Hey. Si on veut recommencer cet automne, là. Non, non, mais on va... On peut se mettre dans un coma l'un l'autre. Bon, mettons au pire. C'était ta dernière chronique de la session. Ouais. On a une petite surprise pour toi. Ouh! Vas-y, Mathieu. 1, 2, 3, 4. Merci! Merci à toi! Tu reviens quand tu veux. Ce que j'aime, c'est votre phase d'interrogation de qu'est-ce qu'il va rajouter. Surprise. Tu le mérites vraiment beaucoup. Ah, merci, vous êtes fin. Ouais. En apprenant des choses, François, c'est ça, tu savais-tu? C'est... Premièrement, je dis pas tu savais-tu, je dis savais-tu, c'est ça que je voulais dire. Tu savais-tu? Savais-tu, toi? Quand tu apprends des affaires, la connaissance, c'est le knowledge is power. Tu sais. Savoir des affaires, ça veut dire c'est important. Tu sais. L'éducation. Du conscient, c'est bien. Est-ce que c'est la neige qui a fait que Maxime Lemieux l'a ramé et l'arrivée en retard? Mais pas en retard. Non. Juste à point. Ah, mais Colin. On va le déguster alors. Du chocolat à faire tirer. Colin, tu vas t'en lâcher les doigts, ça? Eh oui. Un peu comme après une conique de Max. C'est bon, s'en lâcher les doigts. Tout est très délicieux. Ah, crémeux. Ouais, c'est ça, parce que t'as le temps de manger ton chocolat crémeux. Exactement. De le savourer, tu fais comme, ah, ben, Colin, la musique dans mes oreilles. Puis là, t'as comme l'orgasme de tous les sens, t'sais. L'orgasme de tous les sens. Ben oui, tous les sens, en même temps. Wow. J'ai une idée, François. Oh, Mathieu Plante a une idée. Arrêtez de respirer. Ça sent mauvais, ça sent le brûlé. Et quoi d'autre? Et nous? Puis nous, en pièces détachées. Pour encore une heure. Exactement. Savourez-nous jusqu'à la fin. Bon, jusqu'à la dernière goutte. Hein? C'est ça qui est... Attends un peu, là. Attends un peu. C'est bon.